Elle chante la vie, c'est une fille belle comme Montmartre dans ses vignes. Sol, tu as le soleil sur ton épaule. Viens voir la vie avec moi. Ta vie.